Vous écoutez France Culture. Et lundi d'histoire, Philippe Levillain. Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour. À titre personnel, je tiens à saluer la mémoire et exprimer ma tristesse à la suite de la disparition le 1er avril de Jacques Le Goff, dont je fus l'étudiant jadis, et qui m'appela à partir de septembre 1982 à participer et à rejoindre l'équipe des Lundis de l'Histoire, dont je suis toujours aujourd'hui délégué producteur. Vers l'Orient compliqué, je volais avec des idées simples. La phrase du général de Gaulle est très célèbre et on s'applique à expliquer pourquoi est-ce que l'opposition entre compliqué et simple fait le style du général de Gaulle. Là n'est pas le problème, mais je dirais qu'à question compliquée, en général, il faut voler avec des idées simples. Il en est une que chacun se pose, que on invite chacun à se poser dans la vie, et qui donc est Dieu. Et même à quoi ça sert de croire en Dieu, c'est un concentré de la foi en 12 modules pour enfants des catéchistes qui vient d'être publié, qui devrait aider à recentrer, comme on dit, sinon à concentrer ce que l'homme peut penser non seulement de son salut et de sa trajectoire, mais aussi de cette référence transcendantale à ce mot qui a une origine sur laquelle nous allons nous pencher aujourd'hui. Avec une émission qui, en plus, se trouve programmée le lundi de Pâques, consacrée à ce problème qui hante quand même l'ensemble de l'humanité, même ceux qui sont athées. Puisque s'ils sont athées, c'est qu'ils ont bien réfléchi sur le fait que Dieu n'existe pas, et notamment dans leur vie. Donc soyons simples aujourd'hui, et pour être simple, j'ai choisi d'inviter deux personnalités qui, différemment, mais de façon complémentaire, et je le fais avec Emmanuel Jousse, avec qui j'organise ce qu'on peut appeler les deux voix des seniors et du junior. D'abord, Thomas Tremaire, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous êtes titulaire de la chaire Milieu biblique au Collège de France. Oui, tout à fait. Et vous êtes professeur à la faculté de théologie, de sciences et religions à l'Université de Lausanne. Vous avez publié deux livres qui vont être l'objet de cette émission, que nous allons regarder avec l'œil de la naïveté, pas trop naïve non plus, parce qu'à force d'être simple, il ne faut pas non plus être simplificateur. Donc l'un qui s'appelle « La Bible ». Quelles histoires ? Point d'exclamation. Ça donne déjà le sens de ce qu'est cette interview, cette partition entre questions et réponses, avec Estelle Villeneuve, publiée aux éditions Bayard. Et plus audacieusement, dans les livres du Nouveau Monde, aux éditions du Seuil, vous venez de publier, après la Bible, quelle histoire, l'invention de Dieu, ni plus ni moins. On se dit, mais pourquoi est-ce que le professeur Remer a tardé à nous parler de l'invention de Dieu? Mais enfin, il n'est jamais trop tard pour bien faire, et après tout, l'espérance fait partie de la vie quotidienne. Florian Michel, bonjour. Vous êtes maître de conférence, si je ne m'abuse, à l'Université de Paris à Sorbonne. Tout à fait. On dit toujours Paris à Sorbonne, alors que c'est que Paris 4 s'appelle la Sorbonne. Maintenant, ils ont réussi à faire trouver le chiffre 4. Quand vous êtes aux États-Unis, j'en reviens, on vous demande si vous êtes professeur à la Sorbonne. Si vous l'êtes, on vous félicite. Si vous dites Paris à Sorbonne, on vous plaint. Ne parlons pas de Nanterre. Bien. Donc vous êtes surtout, entre autres choses, publié récemment un livre qui s'appelle « Traduire les liturgies ». Aux éditions CLD, je ne sais d'ailleurs pas ce que sont les éditions CLD, vous allez le dire. Les éditions CLD, c'est une maison d'édition spécialisée à la fois en histoire religieuse, en culture chrétienne, qui publie notamment Histoire du christianisme magazine depuis bientôt 10 ans. Voilà. Et j'aurais dû m'inquiéter plus tôt pour avoir le savoir, mais je vais laisser le soin de raconter ce dont il s'agit. Voilà. Et donc, Emmanuel Jousse, alors vous êtes donc traduire la liturgie. Vous avez aussi publié un livre très intéressant, qui vous avez lu quelques polémiques, mais j'en sais quelque chose pour ma part aussi, qui s'appelle « De Monseigneur Lefebvre à Monseigneur Williamson ». Histoire d'un schisme avec Bernard Sesbouet, ce sont des entretiens publiés chez Desclée de Brouwer en 2009. Exactement. Voilà. Et donc Emmanuel Jousse, qui est docteur en histoire et qui est enseignant-chercheur à Lille 3. Thomas Remer, merci d'être venu d'abord. Je voudrais avoir une question sur votre carrière. Votre carrière liée au fond à un phénomène, une question que je me pose aussi comme les auditeurs. Est-ce qu'il existe une science des religions ? Comment est-ce qu'on peut coller le mot religion au mot science, au pluriel d'ailleurs ? Vos convictions personnelles influencent-elles vos recherches en plus ? C'est le problème du subjectivisme. Oui, ça c'est évidemment un grand problème et je dirais bien sûr que oui, parce que faire semblant que les convictions n'influencent en rien vos recherches, ce serait à mon avis quand même un peu se cacher la face, je pense, pour n'importe quel chercheur, qu'il soit en sciences humaines ou qu'il soit en sciences dures. Il a quand même certaines idées sur la vie, sur l'éthique, sur le rapport avec les autres et je ne pense pas qu'on peut être schizophrène à ce point qu'on a deux cerveaux et que l'un est totalement objectif. Donc évidemment, mon origine protestante va certainement aussi avoir voilà un jour voilà le mot que j'entends prononcer. Donc, pour, mais vous n'êtes pas non plus archéologue de formation. Non, j'ai participé à des fouilles. Vous savez, c'est un bricolage. Donc vous avez posé la question de la science des religions. Je dirais que c'est un bricolage de beaucoup de choses. Au niveau des études, j'ai commencé avec ce qu'on appelle en Allemagne la théologie. En Allemagne, c'est une science universitaire, contrairement à la France, ou à part l'Alsace, où c'est un peu différent. On ne peut pas faire la théologie dans les universités payées par l'État, alors qu'en Allemagne, c'est tout à fait normal. Et donc, si vous voulez faire la Bible, si vous intéressez la Bible en Allemagne, et ben vous entrez dans une faculté de théologie et vous faites aussi un peu de liturgie par ailleurs. Mais après, vous allez très vite vous spécialiser. Et je me suis spécialisé sur la Bible, plus particulièrement la première partie de la Bible chrétienne, à savoir l'Ancien Testament, ou un terme que je préfère, Bible hébraïque, parce qu'il est plus neutre et pas revendiqué ni par le judaïsme ni par le christianisme. Oui, c'est une réalité intéressante qui court tout au long de votre livre, soit dans la première partie, l'aventure de la recherche. C'est-à-dire que vous cherchez à clarifier beaucoup de clichés. Effectivement, l'Ancien Testament, oui, Bible hébraïque, Bible catholique, enfin, Ancien Testament, Nouveau Testament. Oui, déjà, l'Ancien Testament est différent selon qu'on a des Bibles protestants ou catholiques. Exactement. Donc on parle toujours de l'Ancien Testament, mais en fait, il y en a au moins deux. Si on prend les églises orthodoxes qui n'ont jamais vraiment tranché sur le nombre des livres qu'ils considèrent comme des livres de l'Ancienne Alliance ou l'Ancien Testament, on aura même trois Anciens Testaments. Donc ce n'est pas aussi clair qu'on en imagine. Alors l'Ancien Testament comporte cinq livres. Non, la Torah. La première partie. Qui est la loi. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Pour la première partie, les protestants, les catholiques, les orthodoxes, il n'y a pas de souci. Après, ça change, parce qu'après, l'organisation est différente, et puis aussi le nombre des livres qu'on intègre dans ces différentes parties. Florent Michel. Pour ma part, effectivement, donc, j'ai travaillé sur les traductions liturgiques. Sur cette question des sciences religieuses, je suis un étudiant de l'école pratique des hautes études de la section des sciences religieuses. Donc évidemment, c'est un des rares lieux au sein de l'université française où on peut travailler en tant qu'historien ou en tant qu'exégète les questions religieuses. Je crois qu'effectivement, l'université française est globalement dans une situation assez singulière où l'on a cherché à ostraciser la question de l'intelligence pas seulement de la foi, mais de l'intelligence des textes. Et ça me semble, pour le coup, assez... ça manque, me semble-t-il, dans le paysage. Et bien, des jus. Oui, ce qui est intéressant, c'est lié à la question que vous posiez tout à l'heure, ce serait de savoir comment tous les deux vous travaillez, en fait. Parce que vous vous intéressez à des périodes qui sont totalement opposées, dirais-je. Vous, Thomas Remer, sur le très ancien, et vous, Florian Michel, sur le très contemporain. Vos sources, on le comprend en vous lisant, sont complètement différentes. Thomas Remer, vous travaillez sur l'archéologie. Florian Michel, vous travaillez sur des textes, sur des traductions. Alors, comment est-ce que vous vous débrouillez avec ces sources-là ? Thomas Remer. Oui, je ne travaille pas seulement sur l'archéologie. Je travaille bien sûr aussi sur les textes. Mais ce qui m'intéresse un peu, c'est la préhistoire des textes. C'est-à-dire, voilà, chez la Bible ici, ce qui m'intéresse, c'est de savoir un peu comment ces textes se sont en effet fabriqués, constitués. Et avec l'idée, évidemment, que la Bible n'a pas été écrite d'un trait, elle n'est pas tombée du ciel. Elle est le résultat d'une très, très longue histoire. Et donc, en effet, pour reconstruire tout ça, il faut beaucoup d'outils. Il faut l'archéologie, mais il faut aussi la comparaison des manuscrits. Donc là, grâce aux découvertes de Qumran au milieu du dernier siècle, on a quand même fait des progrès importants. Et puis après, il faut un peu la logique philologique, des compétences linguistiques pour déceler des changements de style, aussi des contradictions qu'il y en a pas mal dans la Bible. Et tout cela me permet en effet d'émettre des hypothèses sur la formation du texte qui après est devenu un texte qui sert après dans les liturgies et d'autres utilisations contemporaines. Alors la question qui vous est posée par Estelle de Villeneuve, vous ne pensez donc pas qu'il soit possible de récupérer la version originale? Vous répondez, la retrouver intacte de A à Z est un fantasme. Oui, c'est un fantasme, tout à fait. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est Est-ce que c'est un fantasme comme l'Iliade et l'Odyssée? J'en sais rien, mais disons, je pense que c'est un peu un héritage du romantisme aussi, de cette idée, voilà, il faut le document primitif qui sera plus important, plus révélé, etc. C'est clair, quelqu'un a dû commencer à écrire, mais il n'a pas écrit un texte du début jusqu'à la fin. Donc la version originale, elle est déjà une sorte de patchwork de différents morceaux. Et malheureusement pour nous, on n'est pas en Mésopotamie. Si on était en Mésopotamie, on aura peut-être un peu plus de chance parce que les gens écrivaient sur l'argile. Et vous savez, c'est plus consistant que l'informatique. Je pense qu'il va survivre à l'informatique, c'est les tablettes d'argile de la Mésopotamie. Mais pour revenir au Levant, en fait, au Levant, on écrivait sur des rouleaux de peau papyrus et ça tient 40-50 ans. Et après, voilà, il faut le réécrire parce que, surtout quand c'est un peu humide, les situations de conservation sont difficiles. Donc, le premier rouleau, je pense qu'on ne l'aura jamais. Peut-être qu'on viendra à la fin des jours, mais ça, c'est une autre histoire. Ça veut dire qu'on découvrira in aeternum, mais peut-être... Alors, vous incriminez beaucoup les copistes, mais au fond, les copistes, ils ont forcément introduit des variations, supprimé des passages. Exactement, parce que quand on récopie un texte, c'est pas encore comme les moines au Moyen-Âge. Les moines au Moyen-Âge, leur idée, c'était évidemment de récopier fidèlement le texte. Par contre, les copistes, avant que le texte reçoit une sorte de niveau de sacralité, les copistes profitent évidemment quand on réécrit un rouleau pour rajouter des choses ou pour enlever des choses parce que les situations changent et puis on trouve que telle ou telle loi ou telle narration pose problème, alors on l'explique, on réécrit et parfois aussi on compile les deux variantes, ça c'est tout à fait possible aussi. Donc on n'a pas du tout cette idée, je pense que c'est important de se dire la Bible c'est pas une littérature d'auteur, c'est pas un personnage derrière. C'est en fait une sorte pourtant, de compilation des traditions. Dans le sens commun, Thomas Sommer, allons au sens commun, on dit que c'est la parole de Dieu vivante. Oui, la parole de Dieu vivante, elle passe par des chemins compliqués. Escarpés. Voilà, donc ça c'est évidemment une position de foi qui ne me gêne pas du tout, mais pour l'historien, il ne peut pas se contenter de cette affirmation. Donc on va essayer de trouver les chemins qui sont derrière cette constitution. Mais ce qui est intéressant, si vous prenez le texte biblique de l'Ancien Testament, il n'y a pas d'auteur qui dit « moi, un tel, j'ai écrit ça ». Ce n'est pas comme les Grecs où voilà, Thucydide ou Hérodote disent « voilà, j'ai écrit ça, j'ai fait mes enquêtes, etc. » Donc, on se cache derrière les traditions. Et l'idée que Moïse aura écrit la Torah, le Pentateuque, ce n'est pas marqué dans la Bible. Ça, c'est en effet quelque chose qui vient aux Juifs au moment où ils sont en contact avec les Grecs, où il faut quelqu'un qui est aussi important que Platon ou que Hérodote ou que les autres. Donc, on va en effet construire un personnage parce qu'il faut un auteur. Mais avant, il n'y a pas d'auteur. Alors, on appelle ça la méthode historico-critique, oui. Nous sommes d'accord. Vous donnez un exemple qu'on va peut-être développer deux minutes pour faire comprendre aux auditrices, aux auditeurs ce dont il s'agit. En l'occurrence, dans Genèse 16, l'histoire de la femme d'Abraham, Sarah, qui est alors stérile. Tout à fait. Et vous entreprenez à ce moment-là toute une analyse que je demande de restituer. Très brièvement. À vous savoir quoi. Donc, ça commence en effet par le fait que... Parce que tu as disposé de méthode, il faut très concret. Oui, tout à fait. Donc, juste pour rappeler l'histoire... La page 43 de votre livre, ça commence à devenir vraiment très concret. à la fois passionnant, mais je dirais. Mais il faut... Tout à fait. Mais il faut que l'auditeur ou l'auditrice sache un peu le texte. Voilà. Donc, l'idée, c'est que dans l'Antiquité, une femme stérile, elle n'a pas vraiment de statut social. Donc, Sarah, la femme d'Abraham, elle se fait remplacer, du coup, par sa servante Hagar, qui, du coup, en effet, devient une sorte de première mère porteuse et qui enfante. Un enfant va déplaire en effet à Sarah, sa femme. Mais avant qu'elle enfante cet enfant, elle est chassée ou elle prend la fuite, elle va dans le désert où elle va rencontrer l'ange de Yahvé, l'éternel du Dieu d'Israël. Et cet ange en effet va lui annoncer la naissance de son fils qu'on appelle Ismaël. Alors c'est là, en effet, où l'exégèse peut utiliser des textes assyriens, parce qu'on sait, grâce aux textes assyriens, qu'il existait au 8e siècle avant notre ère une confédération de tribus arabes qui s'appelle Shumuil. Et certainement, le texte biblique veut raconter l'origine de cette tribu en le mettant, en effet, comme un fils d'Abraham qu'il a eu avec une servante égyptienne. Donc, en fait, ce qu'on veut dire dans ce texte, on n'est pas si loin de ces Arabes. En fait, ils ont aussi Abraham comme père, évidemment pas avec Sarah, mais avec Hagar. Et grâce à ces inscriptions assyriennes, on a en effet un très bon moyen de dater ce texte, parce qu'à partir du 6e siècle, cette confédération se dissout. Donc, on peut dire que c'est grosso modo entre le 8e et le 7e siècle avant notre ère qu'on peut situer cela. D'ailleurs, ce que fait Sarah en se faisant remplacer par Hagar, on a aussi des textes parallèles, dont des contrats de mariage dès l'époque néo-assyrienne, donc du nouveau du 8e, 7e siècle. Du coup, voilà, ça coïncide et ça nous met dans une situation assez confortable pour dater au moins l'origine de ce texte. Évidemment, pas le texte tel qu'il se présente maintenant, parce qu'après, comme vous l'avez déjà souligné, il y a des ajouts, il y a des relectures, etc. Emmanuel Jousse. Là, on saisit vraiment sur le vif à quel point votre livre est passionnant, parce qu'on comprend à quel point aussi la Bible est une histoire en elle-même, alors que le sens commun aurait plutôt tendance à considérer que puisque Dieu est censé s'exprimer à travers les Écritures, il est au-delà de l'histoire. La Bible serait au-delà de l'histoire. Et donc, c'est ça qui est vraiment passionnant, c'est qu'on comprend à quel point c'est un travail de construction permanent. La Bible est donc une histoire, la liturgie aussi, et ça, c'est une question qu'on pourrait poser aussi à Florian Michel. Oui, en effet. La traduction et la liturgie s'inscrit dans une dynamique très historique, je veux dire, depuis l'Antiquité et depuis la dernière scène, en quelque sorte, avec déjà dans les Actes des Apôtres, un certain nombre de récits de la répétition de la dernière scène. Et tout au long de l'histoire, il va y avoir un certain nombre de mutations, d'inscriptions, d'écritures, de corrections. Et alors, pour ma part, je saisis vraiment la question liturgique au XXe siècle seulement, avec quelques éléments du XIXe siècle. Mais pour revenir à une question que vous aviez posée, Emmanuel Jousse, antérieurement, comment vous travaillez, le matériau, pour ma part, que j'emploie, est très différent de celui qu'emploie M. Thomas Römer, parce que je travaille essentiellement à partir des correspondances échangés par un certain nombre de théologiens, exégètes, intellectuels, qui sont les grandes figures en fait, de ce renouveau intellectuel du catholicisme de la première moitié du XXe siècle, des gens comme le cardinal Henri de Lubac, le père Marie-Dominique Chenu, Jacques Maritain, Étienne Gilson. Et du reste, sur Étienne Gilson, je voudrais dire un mot, parce que l'origine de mes travaux, donc un des professeurs du Collège de France, qui autrefois occupait la chaire de philosophie médiévale, qui était très engagé dans les débats du XXe siècle, à la fois sur le plan politique, sur le plan de la philosophie, de l'exégèse, et il avait exactement la même conception que M. Römer de l'engagement. Il décrit souvent la passion qui le porte vers son objet, et soulignant finalement que c'est parce qu'il est passionné qu'il en est venu à s'intéresser à un certain nombre de questions et que finalement il fallait se débarrasser définitivement de cette idée que un cerveau était une pure objectivité ou qu'il fallait être froid à l'égard de son objet d'étude. Et si j'ai commencé finalement à travailler sur ces questions liturgiques, c'est à travers Étienne Gilson, dont j'avais trouvé dans les archives un dossier au sujet de la traduction du Credo, et j'avais vraiment senti à travers la publication de ce document et à travers toutes les correspondances qu'Étienne Gilson avait reçues, combien c'était un sujet passionnel, extrêmement conflictuel dans la société française des années 60, avec parfois des réponses très argumentées, parfois très poétiques, parfois très décalées aussi. Donc il y avait là... du point de vue de l'écriture de l'histoire de la réforme, quelque chose de significatif pour moi. Alors, on va revenir au Pentateuque. Vous avancez très fortement dans votre livre, mais on va reprendre ce que vous dites à propos de l'engagement qu'on a déjà souligné à propos du professeur Romer. Revenons au Pentateuque, qui est quand même un morceau très important de votre livre et qui figure sur la tablette d'argile, si je veux dire, après la Genèse, qui est le livre 1, si je veux dire, derrière la Torah. Deux figures, d'abord la multiplicité des textes et leur enchaînement, leur emboîtement. Tout à fait. Et d'autre part, la place et la figure de Moïse, puisque Moïse, si je vous ai bien lu, c'est le Deutéronome essentiellement. C'est de l'Exode jusqu'au Deutéronome. En fait, Moïse est vraiment la figure la plus importante de la Torah, parce qu'à part de la Genèse, en fait, sa vie englobe en fait les quatre autres livres. En fait, au début de l'Exode, on raconte sa naissance, et au dernier livre, Deutéronome, 34, dernier chapitre, on raconte sa mort. Donc, vous avez des doutes sur la figure historique de Moïse? Oui, j'ai des doutes, mais qui ne m'empêchent pas de dormir. Hein, donc, donc, je pense que dans la Bible, si on en rit, on dort bien. ça dépend. C'est-à-dire, comme Abraham, Moïse, c'est une figure de la tradition. Donc, de nouveau, je ne pense pas qu'on invente à partir de rien une figure. Les auteurs bibliques, ils ne se mettent pas derrière leur bureau en disant qu'est-ce qu'on va inventer aujourd'hui. Donc, c'est en effet des figures qui sont construites à partir des mémoires, à partir aussi des... Qu'est-ce qu'il faut dire ? On sait, par exemple, qu'entre l'Égypte et le Levant, il y a constamment des contacts et qu'il y a eu, en effet, des hauts fonctionnaires à la cour égyptienne qui étaient d'origine asiate, comme disent les Égyptiens, en fait, sémites. Donc là, il y a certainement quelque chose qui a servi à construire aussi la figure de Moïse. Mais le Moïse historique tel qu'il décrit la Bible, non, ça n'existe pas. C'est plutôt, en effet, une sorte de figure construite qui donne, en effet, au judaïsme une, mais parce qu'il y en a d'autres aussi, mais une figure quand même de fondation. Ce qui est très important quand même, ce qu'il faut observer, c'est que Moïse, en fait, qui transmet toute la loi. Sans Moïse, il n'y a pas de loi. Bon, il y a des 10 commandements qui sont donnés avant, mais après, toute la loi passe par Moïse. Et là, c'est très important parce que normalement, dans le Proche-Orient ancien, c'est qui donne la loi ? C'est le roi. Le roi le reçoit des dieux. Et donc, pour qu'une société fonctionne, il faut un roi, il faut un pays, il faut un palais, il faut un temple. Et ce que fait le judaïsme, avec Moïse, il invente en fait la séparation entre, je ne dis pas église, entre religion et État. Parce qu'en fait, toutes les lois religieuses, les rituels, la Pâque, la circoncision, le Shabbat, tout est donné en fait en dehors du pays. Avant même qu'on commence à penser qu'il faut un roi, qu'il faut un État, qu'il faut un temple. Donc on peut en effet trouver une identité en dehors des institutions politiques. Et ça, à mon avis, ça c'est le génie du judaïsme et ce qui a fait que le judaïsme a pu en effet survivre comme une religion de diaspora, grâce justement à la Torah. Et la figure, en effet, qui donne à la Torah un peu sa cohésion, c'est quand même celle de Moïse. Alors, si je veux vous suivre sur intérêt que nous n'allons pas emprunter trop longtemps, l'État d'Israël n'est pas nécessaire au judaïsme. Non, le judaïsme l'a bien montré. Jusqu'à aujourd'hui. Évidemment, c'est un débat complexe, mais vous avez tout à fait raison. Parce qu'autrement, le fait que le judaïsme a pu exister et continue à exister en dehors des structures étatiques montre bien cela. Et là aussi, quand on regarde un peu l'évolution des religions, judaïsme d'un côté, christianisme et l'islam de l'autre, on voit quand même des différences assez intéressantes, que ce soit au niveau justement de la construction identitaire, même au niveau de la construction du pouvoir ecclésiastique, ça reste quand même souvent très relié à la question d'une légitimation étatique. Et c'est pour cela la séparation Église-État, ça laisse quand même des traces qui ne sont pas toujours toujours très, très facile à gérer. Donc vous êtes plutôt du côté de Raymond Aron, qui a soutenu la création de l'État d'Israël, qui n'y s'y rendrait pas, et que d'une certaine façon, c'était défavorable à la vitalité même du judaïsme dans la diaspora, si je vous dirais, dans le sang. Bah, disons, moi, je me rends très souvent dans l'État d'Israël. J'ai été très, très bons amis et collègues. Donc ça, je crois, c'est pas le problème. Mais le judaïsme, jusqu'à aujourd'hui, montre très bien, en fait, que l'État n'est pas nécessaire pour que cette religion puisse exister et puisse se vivre. Je voudrais vous dire un peu de sémantique, parce que vous parlez longuement de l'origine de Yahvé. Oui. Bon. C'est-à-dire, je dirais, de l'évolution sémantique, après tout, de ce qui désigne Dieu. Voilà. Alors, puisqu'on parle de Dieu, puisque c'est quand même le lieu de parler de ce que est l'ineffable en principe. Et Moïse, d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, est celui qui voit Dieu. Alors, il le voit, mais c'est compliqué. Il le voit sans vraiment le voir. On lui dit, il ne faut pas trop me voir. Mais il y a d'autres textes, comme vous l'avez très bien souligné, la Bible n'est pas cohérente. Il y a des textes où on a l'impression qu'on le voit quand même, surtout au niveau du buisson ardent. Oui. Mais Moïse est surtout le seul dans la Bible auquel Dieu donne quelques indications quant à son nom, que le judaïsme très vite se refusait prononcer. Hein? Donc à Moïse, il dit « Je serai celui qui je serai ». Et dans un autre texte, il dit très clairement « Je suis Yahvé ». C'est-à-dire Yahvé, c'est une reconstruction qu'on fait. Disons « Je suis Yahou, Yahvé », on ne sait pas très bien comment ça se prononçait. Mais avant, je ne me suis pas fait connaître sous ce nom-là. Donc Moïse a quand même là un très très grand privilège. Ce qui est intéressant avec ce nom de Yahvé, c'est que le judaïsme très vite a décidé de ne plus le prononcer. C'est pour cela que vous avez dans les Bibles « Soit le Seigneur ». Qui reprend en fait le remplacement de Yahvé par Adonai, Kyrios dans les Bibles grecques, ou Éternel, ça c'est une variante protestante, ou alors le nom Hachem, comme on le dit souvent dans le judaïsme. Emmanuel Jousse. Alors pour revenir sur cette figure de Moïse, ce qu'il y a de passionnant aussi dans votre ouvrage, c'est qu'on comprend bien que c'est le nœud ou l'enjeu de toute la construction du Pentateuque en fait. Et de ce que vous expliquez comme la rivalité entre deux traditions différentes dans le Pentateuque, celle qui serait plutôt celle des prophètes et celle qui serait plutôt celle de l'exil. Alors, est-ce que vous pourriez revenir sur ces deux traditions et expliquer en quoi elles ont construit progressivement ce livre, la Bible ? Oui, alors il y a en fait la Bible, c'est vrai, comme vous le dites, la Bible est le résultat en fait d'une tentative qui est évidemment difficile de faire cohabiter des options très très différentes, des options théologiques très différentes. Alors on peut commencer déjà avec les patriarches d'un côté et Moïse de l'autre, parce que si vous lisez la Genèse, on a parlé de Hagar et de Sarah tout à l'heure, et l'importance en fait des généalogies, vous voyez que tout le livre de la Genèse est parcouru par cette formule « et voici les engendrements de », qu'on traduit « voici l'histoire de ». L'importance, c'est d'avoir des lignées. Donc, on est Israël parce qu'on descend d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Voilà, des généalogies. Exactement. Quand vous passez à Moïse, ça change. Moïse, il n'est plus un patriarche, il n'est plus un ancêtre. Il a un fils, des fils, on ne sait même pas très bien. Mais ses fils disparaissent, en fait, de la circulation. On ne sait pas ce qu'ils deviennent. Et Moïse, en fait, devient le médiateur d'un traité, d'une alliance qui fait... Alors du coup, la matrice identitaire, parce qu'en fait, du coup, c'est plus important de savoir de qui on descend, mais de savoir si on est d'accord ou non de souscrire à cette alliance. C'est un peu comme le droit du sol et le droit du sang. Hein, donc cette question, mais qui tracasse le judaïsme d'une certaine manière jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'on est juif parce que on descend, alors ça, c'est pas dans la Bible, mais c'est plus tard l'interprétation rabbinique. Est-ce qu'on est juif parce qu'on descend d'une mère juive? Ou est-ce qu'on est juif parce qu'on s'efforce à garder les 613 commandements? Donc il y a, si vous voulez, une vocation, ou disons, une identité plus vocationnelle, c'est-à-dire, voilà, on décide vraiment d'être juif et de vivre selon la Torah, ou, plus culturel, on est juif parce qu'on descend d'une famille qui se rattache à notre famille, etc. Et après, évidemment, il y a d'autres manières de dire les identités qui se situent un peu entre, qu'est-ce qu'il faut dire, intégration et ségrégation. Là aussi, vous avez deux pôles très, très opposés. Si vous lisez à la fin de la Genèse l'histoire de Joseph qui se trouve en Égypte, il y vit très bien. Il est bon copain du pharaon, qui d'ailleurs le fait un peu son chancelier ou son premier ministre, je ne sais pas trop. Et puis, il épouse en fait la fille d'un grand prêtre égyptien. Il prend un nom égyptien, totalement intégré. Ça se passe très bien. Et si vous voyez l'autre côté, dans le Deutéronome, on va dire surtout aucun contact avec les autres peuples. Il faut les détruire, il ne faut pas donner vos filles ou vos fils pour des mariages qui menacent notre identité. Donc il y a la ségrégation la plus totale. Et donc là, vous avez en effet aussi quelque chose qui est très très important, surtout pour un groupe minoritaire, jusqu'à où on doit s'intégrer dans la société dans laquelle on vit, et jusqu'à où on doit en effet affirmer son identité. Et donc cette tradition, elle se construit comme une sorte de débat entre plusieurs solutions possibles. Florent Michel, dans votre ouvrage, il y a aussi un peu la même idée, le fait qu'autour de la traduction vont se nouer un débat entre plusieurs options, en particulier sur la consubstantialité du père et du fils. Vous montrez que dans la traduction du latin au français, il y a ce débat entre, disons, une interprétation plus ouverte suite à Vatican II et puis une orientation plus conservatrice. Tout à fait. Vous vous attaquez sur un point extrêmement sensible. Et effectivement, puisqu'en 1965, le credo, le classique de l'Église, est traduit en français avec cette formule « le consubstantialem patri, de même nature que le Père ». Et cela a lancé un certain nombre de débats extrêmement vigoureux, extrêmement vifs dans le milieu des intellectuels, des exégètes, des philosophes, avec des camps extrêmement marqués. Il y a d'un côté le cardinal de Lubac, le cardinal Journé, même le cardinal Congar, des intellectuels comme Jacques Maritain ou Étienne Gilson. Et de l'autre côté, il y a un pôle un petit peu plus pastoral, davantage soutenu par la faculté dominicaine du Sautoir, et qui essaie d'argumenter finalement sur la nature ou sur la substance, sur ce lien très, très particulier qu'entretient le fils avec le père. Mais finalement, l'historien que je suis remonterait volontiers au débat déjà de l'Antiquité entre des Saint-Augustin et des Saint-Jérôme. On sent combien cette dualité entre un pôle exégétique et un pôle pastoral, Saint-Augustin plutôt pasteur et Saint-Jérôme évidemment très exégète et très soucieux de la bonne formule, existe, et c'est en fait une tension qui est assez vertueuse, me semble-t-il, pour élaborer des traductions au plus juste. Alors, d'un idée complémentaire au vôtre, puis nous passons quand même de la Bible hébraïque, je veux dire, à la Bible chrétienne. Bon, la référence est la même, je dirais, la composition de votre ouvrage fait qu'on peut toujours se référer à ce qui est avant pour comprendre ce qui est après. Tout à fait. Mais de toute façon, la Bible chrétienne sans la Bible juive, vous ne pouvez pas la comprendre. Exactement. Alors, on va écouter un titre de référence à cette notion fondamentale qui est le logos, c'est-à-dire le verbe, qui d'ailleurs a emprunté la traduction de la Bible, telle que vous la montrez dans sa complexité, de l'araméen en grec. Je rappelle que c'est le terme qui a le plus fait polémique quand le cardinal Ratzinger, devenu Benoît XVI, a prononcé le fameux discours de Ratisbonne en faisant du logos l'argument principal de la vitalité de la foi par rapport à la parole. Donc on va écouter ce prologue qui est le prologue de l'évangile selon Saint-Jean, sachant que l'évangile selon Saint-Jean est un patchwork. C'est le seul évangile qui n'est pas synoptique, et que donc le prologue présente une sorte de propylée à ce que sera ensuite le récit de la vie de Jésus par les saints Jean successifs. Je suis sérieux en disant ça, mais je crois qu'on peut le dire. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement en Dieu. Tout par lui a été fait, et sans lui n'a été fait rien de ce qui existe. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme, envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Celui-ci vint en témoignage pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Non que celui-ci fût la lumière, mais il avait à rendre témoignage à la lumière. La lumière, la vraie, celle qui éclaire tout homme, venait dans le monde. Le Verbe était dans le monde, et le monde par lui a été fait, et le monde ne l'a pas connu. Il vint chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu, mais quant à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom, qui, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, sont nés. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire comme celle qu'un Fils unique tient de son Père, tout plein de grâce et de vérité. Jean lui rend témoignage et s'écrit en ces termes « Voici celui dont je disais, celui qui vient après moi est passé devant moi parce qu'il était avant moi. » Et c'est de sa plénitude que nous avons tous reçu et grâce sur grâce, parce que la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne le vit jamais. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. C'est un extrait de l'oratorio fameux de Handel, le Messie, qui était créé en 1741, un des rares oratorios pour lesquels croyants, incroyants, athées, agnostiques, dévots se lèvent au moment où il est interprété. C'est un apax, comme on dit, une chose extraordinaire, c'est qu'il y ait de rituels établis, qu'on se lève au moment de l'Alléluia, quelles que soient ses convictions intimes. L'extrait du protocole de l'évangile selon saint Jean est extrait de la traduction de Augustin Crampion, qui a créé la première Bible portative, de même que Benoît XV a créé les premiers autels portatifs pour la seconde première guerre mondiale. Et la traduction est de 1864, quand on sait que la vie de Jésus de Renan est de 1863. Donc on est dans une époque qui vous intéresse. Thomas Robert, parce que le 19e siècle est très présent, je dirais, comme lieu de déformation de la Bible, si j'ai bien lu votre ouvrage, d'une certaine façon, oui, par rapport à ce que vous faites, qui est, vous, le retour aux sources, voilà. Et au détricotage de ce que, on peut dire, le passage d'un texte complexe à une légende. Tout à fait. Ça commence un peu avant, mais c'est vrai que l'époque de Renan, c'est vraiment le moment où... on va dans les universités clamer en effet le droit d'analyser la Bible sans rendre compte aux églises, aux synagogues, ce qui va d'ailleurs créer pour certains des problèmes. En France, il y a Renan, il y a Loisy. Et aussi le père Lagrange. Et le père Lagrange, voilà, qui voulait justement traduire un grand exégète allemand du nom de Wellhausen, qui d'ailleurs aussi a dû choisir entre la faculté théologie et la faculté des lettres à Göttingen en Allemagne. Et le père Lagrange était tout à fait un admirateur de cette exégèse historico-critique. Et puis, lui a interdit justement publier les traductions de Wellhausen. Qui est l'objet de la chaire que vous occupez. Je voudrais revenir sur un passage, quand même pour éclairer, même si c'est un peu compliqué. La question sur le Pentateuque, dont vous parlez souvent, vous y revenez, et vous expliquez aussi dans le même moment, je vous lis à la page 135, c'est pour inciter à la lecture, pour dire que tout est clair, vous dites que d'un côté il y a les patriarches, de l'autre côté donc ce qu'on peut appeler une tradition, et de l'autre côté une saga, Oui. J'aime beaucoup le mot saga concernant Moïse, parce que on a l'impression que c'est, d'ailleurs, ça a été l'objet de pas mal de films, si j'ose dire. Tout à fait. Il y en a d'autres. Alors, quelle différence êtes-vous entre je dirais, la Bible des patriarches et la saga de Moïse, voilà, et le Pentateuque, donc sur lequel vous revenez maintenant, donc les cinq fameux livres, voilà, que je ne vais pas citer, mais que en principe, je les cite. C'est la Genèse, l'Exode, le Lévitique, le Livre des Nombres et le Deutéronome. Voilà. Exactement. Voilà, c'est la parole de Dieu. Bon, je décide par... J'ai quand même pris des notes parce qu'il est mieux de se prémunir de toute erreur vis-à-vis d'un auditoire extrêmement susceptible. Mais vous savez, même, disons, à part du Pentateuque, dans les manuscrits sur la Bible, les livres, ils peuvent bouger. Ils ne sont pas forcément toujours dans le même ordre. Pour le Pentateuque, si, c'est toujours le même ordre, mais par ailleurs, les livres dits historiques ou les livres prophétiques, selon les manuscrits, ils ne sont pas toujours au même endroit. Donc, ce n'est pas si important de les organiser. Mais pour revenir à la question, saga de Moïse et puis récits patriarcaux, la grande différence, c'est qu'avec Moïse, on a en effet une sorte de construction, vraiment une sorte de biographie, parce que, comme je le disais, on raconte toute sa vie depuis la naissance jusqu'à la mort, en omettant quand même la jeunesse. Donc on ne sait pas ce que fait le jeune Moïse en Égypte, on n'en sait rien. Entre le moment où il est récupéré et le moment où il commence à prophétiser. Au moment où il est adopté par la fille du Pharaon, au moment où il commence à avoir des problèmes avec Pharaon parce qu'il va assassiner un Égyptien. Mais les patriarches, c'est plutôt des histoires, surtout Abraham, des histoires qui peuvent être transmises de manière indépendante. Ils n'ont pas besoin de faire partie d'une grande épopée. Donc on raconte une histoire, d'ailleurs en trois versions, où le patriarche fait passer sa femme pour sa sœur. C'est quand même assez intéressant qu'on le fait passer trois fois. Et puis ils enrichissent à cause de cela, parce qu'il a vendu au Pharaon, il reçoit une dot. Et puis après, le Pharaon se rend compte, disons, parce que Yahvé intervient et il laisse quand même à Abraham toute sa fortune. Et on re-raconte encore une fois, même deux fois, la même histoire avec Abraham d'abord et puis avec Isaac. Donc là, on a plutôt des histoires qui circulent de manière indépendante, alors qu'avec Moïse, vous êtes vraiment dans la construction d'une grande histoire de l'Exode, probablement à l'origine jusqu'à l'entrée dans la terre promise. Alors, vous dites surtout qu'il est difficile de trouver des traces explicites de Moïse avant la rédaction josianique. Oui, alors rédaction josianique, il faut peut-être expliquer. Oui, alors c'est voilà. Ça, justement, parce que... Alors ça, c'est un moment très important, disons, dans le contexte des recherches actuelles, on arrive quand même à se dire que ce roi Josias, qui vit donc vers 620 avant l'ère chrétienne, et qui, en effet, est un roi un peu, qu'est-ce qu'il faut dire, centralisateur ou moderniste, ça dépend comment va les choses, qui veut faire, en fait, Jérusalem vraiment la capitale et le seul sanctuaire officiel. C'est lui aussi qui fait rassembler un certain nombre de traditions, et probablement la première mise par écrit de l'histoire de Moïse date de cette époque-là. Pourquoi on peut le dire? Parce que de nouveau, on peut observer des parallèles dans l'histoire de Moïse avec la littérature néo-assyrienne qui, à ce moment-là, est omniprésente dans le Levant. L'histoire que vous connaissez quand même de la naissance de Moïse mis dans une sorte d'arche corbeille dans le fleuve. Sur le Nil. Voilà, sur le Nil, a un parallèle tout à fait frappant avec l'histoire de la naissance de Sargon, écrit à l'époque de Sargon II, qui lui aussi, non pas sur le Nil, mais sur l'Euphrate, est également en fait abandonné par sa mère. Le père est absent dans les deux cas et aussi adopté, non pas par la fille du Pharaon, mais par une déesse Ishtar. Donc ça permet en fait de dire que la première histoire de Moïse date de cette époque et peut-être à comprendre comme, ce qui est un peu un terme à la mode, comme une contre-histoire, counter-history. Ça, c'est quelque chose que les études juives, surtout anglo-saxons, mettent beaucoup en avant. Ça, savoir qu'un groupe minoritaire peut reprendre en fait un discours officiel en se moquant de lui ou en le retournant ou en le dirigeant justement contre ceux qui le transmettent. Et alors pourquoi à ce moment-là, puisque le règne du roi Josias, c'est quand même tout près de la chute de Jérusalem, et donc de l'exil, de l'exil des époux vers Babylone. Alors, c'est pourquoi ça, il n'y a que 50 ans. En fait, c'est un moment tout à fait propice parce que le Levant, dont fait partie justement les royaumes, dont font partie les royaumes de Juda Israël, a toujours été sous la coupe d'abord des Égyptiens, puis des Néo-Assyriens, puis des Babyloniens. Mais Josias, il arrive à un moment où les Assyriens sont suffisamment affaiblis pour que lui peut en effet mener une politique relativement indépendante. Et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, il bénéficie en fait de la disparition du royaume frère ou frère ennemi d'Israël, parce que sur le plan archéologique, on peut montrer que après la disparition de Samarie en 722, petit à petit, Jérusalem devient important. Donc c'est vrai, on peut montrer qu'à l'époque, d'ailleurs, il fait consulter une prophétesse, Hulda, dont on dit qu'elle habite dans les nouveaux quartiers de Jérusalem. Donc on voit très bien que voilà, Jérusalem devient important. Et ce qu'il veut faire, Josias, c'est justement faire de Jérusalem une vraie capitale. Et comme pour faire une vraie capitale, c'est comme aujourd'hui, il faut des impôts, des taxes. Et où est-ce qu'on collecte les taxes? Dans les sanctuaires. Donc il se dit, c'est mieux d'avoir un seul endroit où tout le monde paye ses taxes. Ça facilite quand même la gestion. Et puis on ne sait pas ce qui se passe dans les campagnes, etc. Donc il y a une certaine vraisemblance historique que sous Josias s'est passée cette idée de la centralisation. Même si ça n'a pas été suivi immédiatement de fait, l'idée était là. Et donc ça montre aussi, même après, au moment de l'exil, la destruction de Jérusalem, il y a quand même cette fixation sur Jérusalem qui reste, sur le temple. Et puis on n'ose même pas imaginer d'autres endroits où pourrait être le temple. Mais alors la grande surprise, parce que finalement on se rend compte que le culte de Yahvé à Jérusalem, en fait, ne date pas, comme on l'imagine plutôt, de David ou de Salomon, mais d'une période beaucoup plus tardive. Et alors là, on entre en fait dans les questions que vous rebattez de façon extrêmement stimulante dans L'Invention de Dieu, votre second livre qui est apparu chez Seuil, où en fait, il y a beaucoup d'idées que vous battez en brèche, notamment le fait que, en fait, Yahvé, le Dieu qui sera ensuite le Dieu unique, finalement, c'est une divinité que vous qualifiez comme un dieu de la guerre ou de l'orage, qui vient du sud de la Palestine actuelle, qui n'a pas toujours été vénéré à Jérusalem, qui était représenté par des statues. Bref, il y a énormément d'idées que vous battez en brèche. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces différentes idées? Tout à fait. Évidemment, ça, c'est des idées qui ne vont pas plaire à tout le monde, mais en tant qu'historien, on est un peu obligé de faire... Et puis, ça, c'est un peu votre première question. Les sciences de religion, c'est aussi ça. C'est-à-dire, en fait, de faire du comparatisme. Parce que ce qu'on dit de Yahvé dans le dogme, si j'ose dire, c'est un dieu unique, célibataire, qu'on ne représente pas, bah, c'est une construction. Et qui parle. Bah, oui, les autres dieux parlent aussi. Ça, c'est un peu peut-être moi. Mais oui, ils parlent, évidemment. Si vous faites du comparatisme, vous dites que c'est quand même bizarre. Dans le Proche-Orient ancien, un dieu qui n'a pas de femme, souvent ils en ont plusieurs, mais un dieu totalement célibataire, un dieu qui est invisible, un dieu dont on ne peut pas prononcer le nom, tout cela, c'est quand même très très curieux. Et donc, il faut se poser la question si c'était là depuis le début ou si c'est plutôt quelque chose qui est venu en réponse à un certain nombre de questions d'effondrement. Et ce qu'on peut montrer, de nouveau, grâce à l'analyse des textes, mais aussi des inscriptions en dehors de la Bible, donc la science progresse puisqu'on trouve des nouvelles inscriptions, etc., on est quand même à peu près sûr que Yahvé avait une parèdre, une maîtresse, une déesse qui lui était associée, qui en Palestine s'appelait Asherah ou Reine de Ciel, titre d'ailleurs que Marie va reprendre avec succès dans le catholicisme, et peut-être ailleurs Anat. Mais ce qui est important, je pense là-dessus, on peut guère fermer les yeux, le Yahvé du 8e siècle, c'était comme un Baal à Ougarit ou comme un Kemosh à Moab, etc. Donc il n'y avait pas de différence. C'est un dieu national qui s'occupait... il avait quand même deux royaumes dont il fallait s'occuper, d'Israël et de Juda. Mais vous avez tout à fait raison, c'est un dieu importé, parce que les traces les plus anciennes qu'on trouve du nom de Yahvé, c'est des nomades un peu obscurs qui se promènent entre l'Égypte et le désert judéen, entre le Negev, et qu'on appelle Chassou, et dont certains, en fait, c'est des Chassou de Yahou, de Yahwa. Probablement, premier groupe qui, selon notre connaissance actuelle, vénère ce dieu, et qui apparemment a dû entrer en contact avec une fédération du nom d'Israël, attesté pour la première fois dans une stèle d'un pharaon Merneptah au XIIIe siècle avant notre ère, fin XIIIe siècle, mais qui, justement, est déjà un groupe, pas d'exode, là, un groupe qui habite déjà dans les montagnes. Et donc, que l'histoire de Yahvé-Israël est une histoire d'une rencontre, bah, la Bible aussi le témoigne, puisque c'est Moïse, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est le premier, en effet, à apprendre l'identité de ce Dieu. Alors, traduction pour traduction, enfin, on voit très bien à travers votre livre, vos deux livres, Thomas remarque la référence à Dieu est compliquée, que je dirais que c'est une imbrication du mosaïque, si j'ose dire, et que d'autre part, elle est profondément liée à l'histoire du Levant, comme vous dites, c'est-à-dire que même si le judaïsme est une invention, si j'ose dire une création plutôt, qui fait qu'il est détaché de toute attache nationale et territoriale, il n'en reste pas moins que les affrontements nationaux au sein même de la création de la Bible, si je résume bien, et par rapport au terme de Dieu, au concept de Dieu, existent entre eux, et que c'est aussi une question de pouvoir. C'est toujours, alors des ça c'est clair, même je dirais on ne peut pas imaginer une religion sans pouvoir, donc ça c'est clair. Après c'est la question comment on gère le pouvoir, et ce qui est surtout intéressant, c'est comment en fait on peut abandonner ou transformer un concept, un Dieu national qui s'occupe d'une nation pour venir à l'idée que ce Dieu national est en fait le Dieu unique. C'est ça ce qui est quand même intéressant et passionnant. Alors, Florent Michel, on va venir à vous quand même, parce que vous avez parlé peu, même si vous étiez invité à le faire le plus volontiers possible. Traduire la liturgie est un livre très important, parce que vous traitez en fait la question liturgique, comme je rappelle aux auditeurs, aux auditrices, est au cœur de ce qu'on peut appeler la crise de l'Église depuis Vatican II, entre autres, mais pas seulement, enfin, elle gouverne en particulier largement le schisme Lefèvre. Elle a posé beaucoup de questions avec cette messe dite messe de Paul VI, qui en fait n'existe pas en tant que telle, mais selon Saint-Pie V, qui n'existe pas non plus en tant que telle. Bref, je dirais que des applications de langage sur des structures extrêmement complexes. Bon. Effectivement, Vatican II est le lieu des traductions, puisqu'on a besoin du latin pour ce qu'on appelle une langue vernaculaire, c'est nécessaire. C'est un des effets du concile œcuménique, c'est qu'on ne parle plus la même langue. C'est exactement comme chez vous, Thomas Tremaire, on parle de la même chose, on s'en parle de la même chose. Alors, je viens juste d'évoquer le Notre Père, on va prendre le Notre Père dans les minutes qui nous restent à cette époque, à ce moment de l'année, à ce moment-là de l'émission. Effectivement, la traduction se pose. Et récemment, elle s'est posée encore. Tout à fait. Elle ne soumet pas à la tentation. Effectivement, il y a eu une controverse assez sérieuse à l'automne. Et c'est du reste au sujet de cette controverse que mon livre a pris forme pour essayer de nuancer un certain nombre de propos tenus par quelques journalistes qui expliquaient qu'enfin, 50 ans après la réforme, le Notre Père allait être prononcé enfin dans des termes orthodoxes. Et il y avait là un peu orthodoxe au sens on allait enfin prononcer Notre Père d'une manière fidèle à l'origine, alors que précisément dans les années 60, on voit bien toute la difficulté qu'il y a à traduire ce Notre Père. Il y a des commissions tripartites avec des protestants, des catholiques, des orthodoxes. On organise un grand nombre de réunions pour essayer de donner du sens à cette formule « Ne nous soumets pas à la tentation ». Et les commissions qui se réunissent sont tous d'accord. Le texte est extrêmement délicat et on ne sait pas très bien que proposer. Il y a un certain nombre de suggestions qui sont faites et en fait c'est un processus par élimination des différentes solutions. Mais peut-être je voudrais revenir également sur un des points de ce que présentait Thomas Römer. C'est vrai que même dans la traduction liturgique, on voit bien l'évolution qui est faite, par exemple, sur ce Seigneur des armées, ce Deus Sabaoth, qui est si important dans l'Ancien Testament, enfin, donc dans la Bible hébraïque, pardon. Mais dans les années 60, on va mettre de côté ce Seigneur des armées pour parler plutôt de seigneur de l'univers. Alors, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. La formule est assez large, mais on voit bien qu'à travers... Thomas Sawyer a rappelé que seigneur est une version, si je veux dire, de Yahvé. Seigneur tout seul, voilà. Seigneur tout seul, ça remplace Yahvé. Oui. Mais il y a cette expression, Yahvé, seigneur des armées, Yahvé Tsevaoth, qui, comme vous dites, pose problème apparemment. Qui pose un certain nombre de difficultés dans les années 60. Oui. Et du coup, on gomme, à travers les traductions liturgiques, cet aspect militariste d'un seigneur qu'on ne parvient plus, franchement, à justifier à ce moment-là. Et effectivement, je reviens également sur ce terme de crise de l'Église que vous avez évoqué Philippe Le Villain, tout cela est concomitant dans les années 60 entre le concile, la crise, les traductions liturgiques. Un certain nombre d'historiens ont pu, ou de polémistes, essentiellement issus du monde lefévriste, c'est vrai, ont cherché à nouer crise et traduction liturgique. Je crois que le lien est en fait beaucoup plus compliqué, au sens où c'est davantage une question de mystique. Je crois que le cœur du système, c'est vraiment la mystique, et la question de la liturgie ne vient que de manière secondaire par rapport à cet objet principal. Et ce que je voudrais simplement présenter en quelques termes, c'est que d'une certaine manière, c'est sans doute la génération qui aurait dû le plus être accrochée par les nouvelles traductions, qui précisément a été décrochée au moment des années 60. Signe sans doute que les choses sont un petit peu plus complexes que ce qu'on imagine. Oui, je parlais de crise de l'Église au moment du concile. Elle était fatale. De toute façon, vous savez très bien que les conciles ont besoin de 100 ans pour produire leurs fruits. C'était le cas pour le concile de 30, si j'ose dire, qui n'est pas le concile de 30, comme croyaient mes étudiants, de 30 personnes, le concile qui se déroule à 30. Bon, bref, je dis ça pour faire un peu d'érudition, si j'ose dire. C'est tout de même l'application très brutale de la Constitution, ça concerne tout le Constitution en France, qui, votée en 1963, était appliquée dès 1964, avec un dépouillement liturgique qui tout de même était stupéfiant. Et quand on compare à ce qui s'est passé en Italie, où la Constitution a été appliquée très doucement, et où les célébrants se sont représentés en costume-cravate, avec des calices en bois, quand on était récus à la campagne, avec un abandon, une forme de liberté liturgique, qui fait que, je dirais, que la Constitution qui en soi, et le père Gilles explique, vous avez dans votre livre des sources tout à fait remarquables, je le signale pour la lecture de ce qu'on peut appeler la crise liturgique, qui a créé cette différence, et aussi aux Pays-Bas, c'est-à-dire que l'application très brutale a revêtu ce que vous dites vous-même, les termes d'une révolution. Donc, en elle-même, si vous voulez, la crise concilière tient au fait qu'on n'a pas attendu le moment d'acclimatement de fidèles qui... Moi, je me souviens, dans mon enfance, que j'ai passé à la campagne parce que mon père nous a mis à l'abri, ma mère et moi, les gens répétaient « Tunam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam » sans comprendre. Je veux dire que c'était un lien quasiment intuitif qui était remplacé par une volonté objective d'exprimer sa foi avec la compréhension. On rentre là dans un domaine un peu compliqué, mais qui rejoint tout à fait les intuitions du développement de Thomas Romer, à savoir comment le mot est considéré dans le vocabulaire du moment et comment il s'affronte à des réalités qui sont des réalités de civilisation. Bon. Sur ce point, c'est vrai qu'il y a toute une génération qui a été bouleversée par la brutalité de la mise en place de la réforme liturgique. Précisément, un jeune vicaire arrive dans une paroisse avec un paquet de photocopies expliquant que désormais ce sera ça, la messe. Et de fait, il y a un grand nombre de paroissiens qui ont pu être choqués ici et là. En même temps, l'historien remettrait ça dans une moyenne durée, au sens où dès l'entre-deux-guerres, en Allemagne par exemple, il existe des textes, des messes en allemand, il existe des traductions bilingues dans la plupart des paroisses. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en France, on peut célébrer quasiment tous les sacrements en français, sauf le cœur de chacun. Par exemple, pour le baptême, ego te baptizo devait être conservé en latin. Les messes les lectionnaires sont traduits également en français, mais on maintient la langue latine comme étant la source de légitimité. Et d'une certaine manière, à ce moment-là, le français n'a pas de statut de langue liturgique. C'est une langue auxiliaire de la liturgie. Et il faut du temps, effectivement, pour acclimater une réforme. Il faut plusieurs décennies, un siècle, je ne sais pas. Il me semble que maintenant, les choses sont stabilisées. Eh bien, juste un mot. Mais peut-être pour nuancer avec vous tout ce que vous exposez dans votre livre, c'est que, d'une part, vous expliquez que, au fond, la Bible elle-même, c'est une traduction, donc qu'il n'y a absolument aucune contradiction ou que ça ne représente pas une difficulté en soi de dire que il y a une adaptation nécessaire du texte. Et la deuxième chose, c'est que vous montrez très bien qu'il y a tout de même de la part des traducteurs de la liturgie une volonté de consensus ou en tous les cas d'arriver à un accord, notamment sur le mystère de la foi que vous exposez. Mystérium fidei, oui. Ouais. C'était l'analyse de l'histoire présentée aujourd'hui par Philippe Levillain. La prise de son était de Bastien Varigaud. Le texte était lu par Jean-Pierre Leroux et la réalisation de Ghislaine David autour de trois livres. L'invention de Dieu et la Bible, quelles histoires par l'exclamation de Thomas Remer aux éditions Bayard et au Seuil et la traduction liturgique, traduire la liturgie, pardonnez-moi, de Florian Michel. La semaine prochaine, France Culture vous proposera une rediffusion des années de l'histoire de Jacques Le Goff. Et dans quelques instants, c'est pas la peine de crier, par Marie Richer. Bon après-midi à toutes et à tous.